acclamons bien le Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nous soupirons après toi, Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre. C'est toi notre source. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Yahweh Dieu, ta présence nous suffit. Tout est soumis à toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et en ces lieux. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et tout se soumet à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Parle à nos cœurs. Amen. Alléluia. Alors, quelques consignes, nous rappelons. On ne se salue pas avec la main, on se salue avec la parole. Amen. On peut même se saluer à distance. Ce n'est pas nécessaire de toucher. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Et puis, il faut laver les mains régulièrement. Et quand on venait à l'église, laver les mains. Il y a de l'eau partout. Derrière, à l'entrée, et ainsi de suite. Et si vous avez l'opportunité de vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Amen. Dieu nous a enseigné la sagesse. Il nous a envoyé dans le monde pour vivre avec sagesse. La sagesse est utile même dans la vie régulière, la vie quotidienne. Amen. Amen. La deuxième communication, c'est que nous commençons un programme, une semaine d'élan ou une demi-semaine d'élan à partir d'aujourd'hui sous le thème « Comme Dieu t'établit ». Lève-toi et agis. Nous serons là en jeûne et prière, demain jusqu'à jeudi, parce que Dieu nous a mis à cœur de passer à l'échelle supérieure de notre thème. Alléluia. Nous serons en jeûne et prière, et nous aurons deux programmes la journée, le matin à 6h, prière matinale. Comme le soir, on n'a pas toujours tout le temps pour prier, nous viendrons le matin pour prier. Déjà demain matin, nous sommes là pour prier. Et le soir, à 15h, nous revenons pour poursuivre le programme. Partager la parole et puis prier. Dans la sphère de l'action. Rappelez-vous, nous avons partagé sur un résumé de tout ce que nous sommes en train d'apprendre en 4 mots. Vous vous rappelez? Comprendre. Allô? Comprendre. Devenir. Agir. La main de Dieu. Comprendre. Devenir. Agir. Et la main de Dieu. Et durant ces quelques 5 jours, nous serons beaucoup plus dans agir. Le thème, comme Dieu t'établit, ou comme Dieu t'a établi, alors lève-toi et agis. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tu peux m'aider à le dire au voisin sans le toucher. Comme Dieu t'établit, lève-toi. et agis. Dis-lui ça, le toucher. Vous savez, nous devons nous exercer à ces nouveaux comportements. Dans notre société africaine, c'est facile, on se touche, c'est bon, on veut la chaleur de l'autre. Mais comme il y a cet insecte-là qui circule, on peut soumettre cet insecte aussi par le comportement. Alléluia. Alléluia. Une simple discipline peut faire que cet insecte disparaisse. Buenas fiues. Alors, le dimanche dernier, nous étions en train d'aborder la nécessité de connaître les voies de Dieu, les voies de Dieu. Nous avons vu par le psaume 103, verset 7, que Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres au peuple d'Israël. Et nous avons médité sur ce texte pour nous rendre compte qu'en effet, beaucoup de gens recherchent plus les œuvres de Dieu que les voies de Dieu. Et nous avons compris ensemble que ceux qui ont eu accès aux voies de Dieu sont supérieurs à ceux qui ont seulement accès aux œuvres de Dieu. Parce que les œuvres de Dieu sont produites par Dieu, mais aussi par ceux qui connaissent les voies de Dieu. Moïse, connaissant les voies de Dieu, pouvait produire les œuvres de Dieu. Jésus dit aux apôtres, allez, dans Matthieu chapitre 10, 1 et suivant, allez, guérissez les malades. Il ne dit pas allez prier pour les malades. Il dit allez guérissez les malades. Mais comment on guérit les malades? Il faut connaître les voies de Dieu. Les voies. Connaître les voies de Dieu. Connaître les voies de Dieu. Moïse connaissait les voies de Dieu. Il pouvait être actif et opérationnel. Et dans ses interactions, Moïse pouvait sortir de l'eau du rocher. Moïse pouvait toucher la poussière, ça devient des poux. Il connaissait les voies. Il pouvait lever son bâton sur la mer rouge et la mer rouge s'ouvre. Il connaissait les voies de Dieu. Les voies de Dieu nous permettent d'être une source. Les voies de Dieu nous amènent au seuil, au stade, à la dimension d'être une source. Les œuvres de Dieu, ceux qui connaissent les œuvres de Dieu, ont tendance à demander à quelqu'un de leur offrir ou de leur produire les voies de Dieu. Vous avez vu cela? Une église forte, c'est une église dans laquelle tout le monde connaît les voies de Dieu. Tout le monde peut produire les œuvres de Dieu. Une église forte, c'est celle où les hommes et les femmes peuvent tous prier pour les malades. Mais une église faible, c'est celle dans laquelle tout le monde veut que quelqu'un d'autre produise les œuvres pour lui. Et souvent, les pasteurs de ce genre d'église souffrent parce que tout le monde veut qu'il lui impose les mains. Tout le monde. Mais ces églises fortes et ces églises qui s'épanouissent sont celles dans lesquelles on les a aidés à comprendre que tous peuvent donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si dans ta vie chrétienne, tu te satisfais de juste rester récepteur ou réceptrice, dommage pour toi. Il viendra un temps où tu voudras que tel prie pour toi et il ne sera pas là, il ne sera pas en ligne. Tu vas appeler le pasteur ce jour-là, il a fermé le téléphone parce qu'il a beaucoup travaillé, il est fatigué. Tu fais comment? Tu vas appeler un ancien, lui aussi il est fermé. Tu appelles une sœur, elle aussi n'est pas là. Et tu fais comment? Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux fils, aux enfants d'Israël. Nous devons donc faire un choix. Nous voulons les œuvres seulement ou nous voulons les voies? C'est pourquoi nous avons appris dans Jean chapitre 15, verset 15 et suivant, on peut le dire ensemble. On l'a déjà mémorisé plusieurs fois. Allons-y, 1, 2, 3. Je ne vous appelle plus. Ok, on recommence. Vérifie si le voisin est en train de parler. Ok, on recommence, tu vérifies en même temps, le voisin s'y part. On y va. Plus. Banga bibi kona sema. Bwana sifiwe. Tu peux acclamer ton voisin. Alléluia. Ok, donnez-nous ça pour qu'on ne puisse pas perdre le temps. Allons-y. Allons-y, 1, 2, 3. Je ne vous appelle plus. Félicitations. Ça n'entre pas facilement. Hein? C'est parce qu'on est devenu adulte. Mais il faut avoir ça. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante. Hein? Paul dit, je n'ai point honte d'évangile, c'est une puissance de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Et nous vous avons enseigné sur le contenu de la parole la fois passée, n'est-ce pas? La parole, c'est un marteau, la parole, c'est la puissance. En fait, nous avons parlé de toutes ces choses-là. Comme outil, nous avons partagé sur la parole comme outil d'établissement. Quand tu es établi, Dieu t'a donné comme premier outil la parole. Il faut donc remplir ton cœur. Et Paul dit aux Colossiens que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Abondamment. Pourquoi? Parce que cette parole-là, c'est notre outil. Et nous avons vu le 31 mai, dans le réveillon, que nous devons prier long et profond, mais que nous devons prier sur la parole de Dieu. Vous vous rappelez? Il faut prier sur la parole. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons commencer à réfléchir sur ce sous-thème. Comme Dieu t'établit, lève-toi et agis. Prenez les textes, nos textes de base. Hébreux chapitre 12, verset 1 et 2, Actes chapitre 4, verset 7 à 10, et puis chapitre 3, verset 5 à 8, et puis Éphésiens 4, 6 à 17. Éphésiens 4, 6 à 17. Nous prenons Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, et nous allons le lire ensemble. Hébreux 12, 1 à 2. Vous êtes là? On peut le lire. 1, 2, 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône des dieux. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans notre établissement, dans l'opérationnalisation, dans l'exercice de notre établissement. Puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, courons dedans. Vous savez, lorsque nous courons, nous utilisons de l'énergie. Courons avec persévérance dans la carrière. Ayons les regards sur Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Paul dit, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel. Ayez de l'empressement. On court avec empressement. Mais il dit, dans la carrière qui nous est ouverte, courons dans la carrière qui nous est ouverte. Chacun de nous, après tout ce temps que nous avons été ensemble, en train d'être enseignés, en train de comprendre des choses, frères et sœurs, chacun de nous connaît en quoi Dieu l'a établi. Tu sais en quoi Dieu t'a établi. Et si tu ne sais pas encore, fais un effort de le savoir cette semaine. Mais comme tu le sais, alors lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Buona si fiwe. Buona si fiwe. Durant cette semaine, nous voulons agir. Nous voulons agir, passer à l'action. Il y a des choses qui ont longtemps traîné dans notre vie et qui n'attendent que nous puissions agir, qui attendent que quelqu'un fasse quelque chose, qui t'attendent de toi-même parce que les résultats et les retombées sont entendus par plusieurs. Buona si fiwe. Dans le texte d'Esther que je vous ai donné, nous voyons Mardoché qui adresse une parole historique à sa nièce. Jamais entendu ou tombé dans les oreilles d'un homme établi. Il dit à Esther, et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. N'imagine pas que tu seras sauvé toi seul. Fais gaffe, Esther. Tu risques de mourir avec nous. Tu es dans une situation confortable au palais royal. C'est toi la reine, tu as remplacé Vasti. Mais n'imagine pas que tu seras sauvé toi seul, parce que le décret c'est contre tous les juifs. Et toi tu es juif. Tu es juif. Mardoché essaie de dire à sa nièce, lève-toi et agis. Lève-toi et cours dans ta carrière. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a mis là-bas. Il y a une carrière, une mission, un but divin, une destinée que tu dois accomplir, exercer. Tu dois faire quelque chose, Esther. Qui sait pour des temps comme celui-ci que tu es arrivé là où tu es. Dieu s'adresse à toi aussi ce matin. Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que tu es devenu archois, pour que tu apprennes ces choses et que tu sauves un peuple, que tu arrêtes une situation, que tu offres des choses, que si tu sois une solution. Qui sait? Combien de gens sont devenus archois? Ils n'ont pas suivi tous ces messages. Qui sait que c'est pour ta destinée, c'est pour que tu deviennes opérationnel que Dieu a permis que tu sois archois? Ou que tu sois à l'arche aujourd'hui, tu n'es pas archois, tu es venu juste prier. Qui sait si c'est pour des occasions comme celles que tu vis dans ta famille, celle que ta famille est en train de connaître, que Dieu t'a envoyé à l'arche pour écouter une parole afin d'aller changer une situation? Qui sait, Esther? Si tu ne fais quelque chose, Mardoché dit à Esther, si tu ne fais rien, sache que le secours nous viendra d'ailleurs. Et toi, tu périras avec ta maison. Hey! J'aimerais dire à quelqu'un, cette parole te concerne. Et c'est pour ce matin. Ce n'est pas pour demain, maintenant. Tu dois te lever et entrer dans ta carrière. Et l'auteur dit, carrière qui est ouverte. Ce n'est pas une carrière que tu vas rechercher. Elle est ouverte, elle est disponible. Autrement, tu sais déjà. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Qui sait si c'est pour des moments comme celle où passe la RDC que tu es devenu chrétien? Pour des moments où passe la province du Nord qui voit avec Ebola que tu es devenu croyant ou que tu es devenu responsable dans le poste que tu occupes, ou tu es devenu député, tu es devenu ministre ou tu es devenu ce que tu es? Qui sait? Alors cours dans la carrière qui est ouverte. Cours dedans. Ne viens pas lentement parce que plus tu traînes, les gens meurent. Plus tu es en retard, la catastrophe fait son bonhomme de chemin. Plus tu retardes, il y a des gens qui périssent. Regardons trois leçons que nous tirons de l'expérience d'Esther. Je voudrais partager sur quelques cas des hommes et des femmes qui se sont levés dans la Bible. Premier cas, Esther. Et plusieurs autres cas, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout aborder. Mais parlons un peu d'Esther. La première leçon que nous tirons d'Esther, c'est que beaucoup de gens sont déjà établis pour un but divin, mais comme ils sont inconscients de leur établissement, leur vie, leur santé, leur famille, leur avenir, leur destinée, leur ville, leur pays sont en voie d'extermination. Vous voyez? Les Juifs sont à la porte de l'extermination. La lettre a déjà été signée. Elle a été déjà distribuée dans le pays. On attend que le jour pour le lancement du génocide des Juifs. Tout est prêt pour exterminer le peuple. Et il manque que quelqu'un entre dans sa carrière et agisse ou commence à agir. Tu as longtemps traîné. C'est pourquoi ta famille est en train d'être exterminé par les sorciers. Et tu attends ton tour, peut-être en décembre cette année. Ils sont toujours venus dans ta famille, librement. C'est là qu'il est écrit, quand la bassesse règne au milieu du pays, l'ennemi se promène librement. Ils ont toujours piqué une personne à la fois, chaque période, chaque année. Et maintenant, on t'a même annoncé que c'est ton tour cette année. Et tu commences à faire tes testaments. Parce que les sorciers de chez vous veulent te manger. Alors que si tu t'étais levé à temps, même tes frères qui ont été mangés avant ne seraient pas mangés. En fait, si tu avais compris à temps, tous ces malheurs ne seraient pas arrivés. C'est ce que Mardoché essaie d'expliquer à Esther. Il dit, écoute, sais-tu pourquoi tu es à la royauté? N'est-ce pas pour une occasion comme celle-ci? Que tu es là, que tu es à ce poste-là, que tu es dans cette position-là, que tu as été établi au sommet de l'État. Mais tu fais quoi avec? Tu vas te limiter à juste jouir du mari? J'ai joui de mon roi. N'oublie pas, Esther, que pendant que tu jouis de la royauté, tes frères, tes sœurs seront en train d'être égorgées. Et tu seras la dernière à être égorgée. Pensez-vous qu'à un moment donné, finalement, les bourreaux vont venir au palais royal et ils vont montrer la lettre au protocole, au JR de ce moment-là. Et ils vont lire. Il faut dire, on vient tuer Esther, c'est écrit. C'est signé par le roi. Oh non, mais c'est la reine, c'est signé par le roi. Ok, vous pouvez entrer. On arrive dans la maison d'Esther. Tu peux lire cette lettre-là. Elle lit. Et elle dit, c'est quoi? Nous sommes venus te tuer. Hein? Mais tu es, oui. Tu as bien lu, c'est signé par le roi. Mon mari, oui, ton mari. Pourquoi ça arrive? Et puis on la couvre la tête et on l'amène. Vous m'amenez où? On ne va pas te tuer au palais pour ne pas suyer le palais. On va te tuer dehors. Et puis on la tue. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris pourquoi Dieu l'a établi là, au palais royal. Toi aussi, tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a établi là, dans cette famille-là. Il y a beaucoup de misère dans ta famille. Parce que tu n'as pas compris à temps que c'est toi que Dieu a mis là-dedans pour arrêter ces misères-là. Il y a beaucoup d'opérations sorcières, occultistes, fétichiques, parce que tu n'as pas compris que c'est toi. Dis à ton voisin sans le toucher, en effet, c'est toi dont on parle. Et dis-lui bien, c'est de toi qu'on parle. La deuxième leçon, c'est que des établis qui s'ignorent, leur ignorance va faire que leur mission s'accomplit jamais. Ta raison d'être, c'est ta destinée. Si tu ne comprends pas à temps, tu vieilliras sans vivre ta destinée. Si tu ne comprends pas à temps, on va t'enterrer. Mais tous les malheurs vont atteindre quand même ta famille, ta ville, ton entreprise, ton entourage, parce que tu n'as pas compris à temps. Tu n'as pas compris à temps. Tu as ignoré qu'il fallait te lever et entrer dans ta destinée. Entrer dans l'action. Alléluia. Alléluia. Alléluia. La troisième leçon, c'est que beaucoup des malheurs sur la terre sont simplement la manifestation de beaucoup d'hommes et de femmes qui sont hors service. Vous êtes hors service. Vous êtes établi, mais hors service. Je vous ai donné l'exemple de cette toilette sur laquelle on a mis des scotch et on a écrit hors service. Vous savez, ces toilettes-là gardent la forme des toilettes. Ça ne change pas, ça ne devient pas quelque chose d'autre. Ça a toujours la forme, la toilette. Mais c'est hors service. Et tu peux devenir un papa hors service, une épouse hors service, un député hors service, un ministre hors service, un DG hors service. Tu as la forme du DG, mais tu es hors service. Et les malheurs continuent à arriver, malgré que tu es là, DG, tu es là, c'est toi en fait. Des choses arrivent, c'est toi vraiment, mais hors service. Aujourd'hui, Dieu est venu te dire, lève-toi, agis. Il est venu te dire, cours dans la carrière qui est ouverte pour toi. Qui sait si ce n'est pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Tu es parvenu dans ces couples, tu es dans ces couples pour des situations comme celle-ci. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Une sœur me donnait un témoignage tout à l'heure là. Comment son mari a été dans le chômage depuis longtemps. Et puis ils ne savaient plus payer le loyer. Ils habitaient dans la même parcelle avec son bailleur. Et que depuis que son bailleur a écouté le message, l'intercesseur de Sion, elle a commencé à prier avec sa locatrice. Chaque soir à 21h, viens, viens. Elle prie pour elle. Elle prie pour elle. Qui prie pour elle? Qui prie? Les bailleurs. Mamalu pambo pango monoko. Monakumbuka ile mwimbo. Si c'était à ce temps-là, quelqu'un avait chanté ça, non? Mama Lupango, elombe, lombe, lombe, lombe. Qu'est-ce que nous faisons comme bailleur quand le locataire n'a pas payé? On prie avec lui? On fait quoi? On signe. Ou alors, chaque matin, on prend la chaise et on se met devant sa porte. L'argent doit sortir ici. Où tu sors? Et la bailleuresse a commencé à prier avec cette sœur. Et avant la fin du tournant, le mari a signé le contrat. Qui sait si ce n'est pour des occasions comme celle-ci que Dieu t'a donné un locataire qui n'a pas de travail afin que toi, les bailleurs, tu intercèdes pour les locataires, pour qu'il ait du travail, non seulement pour te payer, mais pour aussi réaliser les objectifs de sa vie. Qui sait si ce n'est pour des temps comme celle-ci que Dieu t'a placé dans cette église. Tu as beaucoup d'argent afin que les projets de l'église soient pourvus. Qui sait? Que des fois nous sommes insensibles alors que c'est nous qui avons la solution. Nous fonctionnons à l'envers alors que c'est nous qui avons la solution. C'est nous. C'est toi, je parle. C'est toi qui as la solution. La quatrième leçon que nous pouvons tirer d'Esther, c'est que la peur du risque à ne pas agir ou à ne pas oser expose des multitudes à l'extinction. Esther dit, il n'est pas autorisé, il n'est pas permis d'aller voir le roi si le roi ne t'invite. Ah, tu risques de mourir, oui, mais tu mourras quand même. Quand tu as peur du risque, dans la vie, il est possible que tu finiras par vivre ce que le risque produit. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous avons peur du risque et que nous n'agissons pas, ce que nous craignons risque de nous arriver quand même. Et les hommes ont dit, qui ne risque rien, n'a rien. Si Esther n'avait pas osé risquer, il dit à Mardoché, va et prie avec le peuple, jeûne pour moi. Moi aussi au palais, je vais prendre mes filles. Nous allons prendre 3 jours de jeûne et prière, sans manger ni boire. Puis j'entrerai dans la présence du roi. Si je dois mourir, je mourrai. 4 messieurs ont réfléchi de la même manière, les lépreux. Et ils ont dit, nous sommes lépreux, on est en quarantaine ici dehors. L'ennemi est à côté de nous. Et l'autre ennemi est au-dedans de nous. Estomac vide. Si nous ne faisons rien, nous sommes morts. Nous allons mourir de faim ici. Nous ne pouvons pas entrer dans la ville et nous ne pouvons pas attaquer ces hommes-là. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Et ils réfléchissent et disent, vaut mieux risquer, allons dans les camps. S'ils vont nous tuer, ça va. S'ils vont nous donner à manger, on va vivre. Et ils entrèrent dans les camps. Et quand ils avançaient, la Bible dit, leurs pieds, j'aimerais mieux dire, leurs morceaux de pieds. Vous avez la lèpre, ça coupe les doigts, les orteils. Leurs morceaux de pieds, comme des boules, ont commencé à sonner comme des bombes dans les camps ennemis. Et les camps ennemis s'est dispersé. Quelqu'un a voulu risquer. Tu n'oses pas évangéliser quelqu'un de peur qu'on va se moquer de toi quand il ne va pas se convertir. Tu n'oses pas prier pour un malade parce que tu penses que ce sont les révérends qui prient pour les malades. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas risquer d'échouer. Laisse-moi te dire, finalement, tu vivras les conséquences de n'avoir pas osé. Si Esther n'avait pas risqué, les Juifs seraient exterminés à cette année-là. Ils seraient morts. Il y a des choses qui attendent que tu te lèves jusqu'à ce que tu vas accepter de risquer. Il faut que tu acceptes de risquer. Et le Dieu qui t'envoie, le Dieu qui a fixé ta destinée, le Dieu qui a confectionné la carrière qui est ouverte, dans laquelle tu dois courir, le Dieu qui a prévu cette carrière-là, il ne va pas t'abandonner dedans. Il va aller avec toi. On va voir ça tout à l'heure. Ce n'est pas un Dieu irresponsable. Est-ce que le roi a tué Esther? Non. Mais Esther a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle venait de prier pendant 3 jours. Tu as besoin d'assumer tes responsabilités pour rentrer dans ta carrière. On n'entre pas dans sa carrière ngoulou ngoulou ou avec bassesse. C'est avec conscience. C'est avec réflexion, c'est avec intelligence qu'il faut entrer. C'est avec intelligence. Esther réfléchit et dit, je vais jeûner, je vais faire appel au Dieu vivant. Puis je vais entrer. Alléluia. Alléluia. Demande au voisin, tu vas entrer? Il ne faut pas les toucher. Yeah. Alléluia. Et la Bible est remplie d'illustrations des hommes et des femmes qui ont couru dans la carrière qui leur était ouverte. Le livre d'Hébreux chapitre 11 nous donne une litanie des hommes de foi. Et je pourrais citer Abraham. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, il est écrit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Verset 4, et Abraham partit. Waouh. Ne veux-tu pas partir aussi? C'est l'heure de partir. Et Abraham partit. Il courut dans la carrière qui lui était ouverte pour devenir le père de la foi, pour devenir une source de bénédiction, pour devenir un homme béni, pour devenir l'homme de Dieu, au point que Dieu pouvait commencer à se proclamer du nom d'Abraham. Quand Dieu parle aux êtres humains, il dit, vous direz à ces gens-là, les dieux d'Abraham. Dieu colle son nom à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham partit. Abraham entra dans la carrière qui lui était ouverte. Abraham. Alléluia. Que dire de Noé? Dans Genèse chapitre 6, versets 13 à 22. Au verset 13, il est écrit, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par-dessus tout, par-devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, et voici, je vais les détruire avec la terre. » Mais verset 24, Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gopher. » Plutôt au verset 14. Et puis au verset 22, il est écrit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Noé entra dans toute la carrière qui lui était ouverte. Et grâce à Noé, nous sommes là. Bonne assifiwe. Si Noé n'avait pas couru dans la carrière qui lui était ouverte et qu'il était lui aussi mort, nous aussi on ne serait pas là. Peut-être Dieu aurait créé un autre Adam et commencé avec. Alléluia. Alléluia. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Que dire de Gédéon dans Juges chapitre 6 et chapitre 7? L'ange de l'Éternel vient voir Gédéon et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. et les discussions commencent. À la fin des discussions, Gédéon comprend qu'il y a une carrière qui lui est ouverte. Gédéon comprend que Dieu est en train de lui dire, entre dans la carrière que je viens d'ouvrir sur toi. Quelle carrière? La carrière d'arrêter les misères du peuple. Ça fait 6 ans que nous fuyons pour nous cacher. Ça fait 6 ans que les Madianites viennent pour nous massacrer. Ils viennent pour nous piller. Ils viennent pour ravager le pays. Maintenant, j'ouvre une carrière pour toi, Gédéon. Tu vas arrêter la bêtise. Gédéon discute. Et puis finalement, Gédéon comprend. Et quand il finit de comprendre, rappelez-vous les 4 mots, comprendre, devenir, agir. Quand Gédéon finit de comprendre, la Bible dit au verset 25, la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est là-dessus. Verset 27, Gédéon fit ce que l'Éternel lui avait dit. Gédéon fit. Gédéon courut dans ce que Dieu lui a dit. Et il exécuta de nuit et non de jour. Puis le diable remua la colère des ennemis d'Israël, les Madianites qui se levèrent pour venir pour la 7e année exterminer, détruire et ravager. Malheureusement pour eux, cette fois-ci, il y a un établi dans la région. Quelqu'un venait d'être établi. Madianites, vous êtes venus précédemment. Vous avez opéré comme un couteau dans le beurre. Vous êtes venus. Vous n'avez trouvé aucune résistance. C'est là qu'il est écrit. Quand la bassesse règne dans le pays, l'ennemi se promène librement. Madianites, vous êtes venus librement. Vous avez pillé le pays. Vous avez tué qui vous vouliez piller. Parce qu'il n'y avait personne qui était établi. Maintenant, il y en a un. Vous allez vous avoir. Vous allez avoir. De votre compte, vous allez souffrir, Madianite. Hier, c'était facile. Aujourd'hui, il y a quelqu'un. J'aimerais dire à toi aussi qui es ici. Hier, les sorciers de ta famille venaient librement. Mais depuis ce tournant décisif, dans ta famille, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. C'est peut-être pas toi, c'est peut-être ton fils. Le diable pouvait massacrer avec des maris de nuit, avec des sorcelleries, avec des carouaux. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un. Maintenant, il y a quelqu'un. Oh Dieu, donne-nous des hommes établis dans nos familles qui peuvent arrêter la pourriture, les héritages d'impudicité. Depuis les aïeux, ce sont l'impudicité, c'est l'impudicité, c'est la débauche, les sœurs ne se marient pas. Ce sont les malheurs qui courent de génération à génération jusqu'à ce qu'il exista un homme, une femme que Dieu établit. Mais non pas que Dieu établit et qui reste hors usage, mais qui entre dans la carrière qui lui est confiée. Comment se fait-il qu'un peuple de Dieu peut souffrir pendant 6 ans alors qu'il est peuple de Dieu? Parce que personne n'est encore établi. Quand Madia venait avant, il touchait à qui? Au peuple de Dieu. Et c'est pas là quelqu'un. Vous pouvez dire, je suis enfant de Dieu. Et vous étonnez que le diable continue à vous toucher. Parce que dans votre zone, personne ne s'est levé. Et qui va se lever le premier? C'est peut-être vous-même. Dieu vous attend, vous. Dieu vous attend. Bon, ainsi fut. Un peuple de Dieu, ravagé, dans la misère, jusqu'à ce qu'un individu soit établi. Gloire à Dieu, il y a des multitudes établies dans cette salle. N'est-ce pas? Il y a des multitudes établies dans la ville de Goma qui sont assis ici devant moi. Qu'est-ce qui se passe dans ton quartier? Hier, ces choses pouvaient se passer jusqu'à ce matin où Dieu te dit, je t'ai établi, lève-toi dans ce quartier-là. Qui sait que c'est pour des occasions comme ce qui se passe dans ton quartier que tu es devenu chrétien? Lève-toi, cours dans ta carrière et arrête la pourriture. Arrête la misère. Arrête le malheur. C'est toi qui vas l'arrêter. Buona sifiwe. Buona sifiwe. Il y a un homme établi. Et au verset 34, lorsque les Madianites se mettent en marche pour venir attaquer, la Bible dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Et il sonna la trompette. Et Abiezer fut convoqué pour marcher avec lui. Au chapitre 7, Gédéon convoque l'armée, le peuple. Et dit, venez, peuple de Dieu, nous allons combattre. Le peuple s'étonne. Ça fait 6 ans, personne ne nous a dit, levons-nous pour combattre. Ce jeune homme-là, il vient d'où? Oui, il y a 6 ans. Personne n'était établi. Maintenant, il y en a quelqu'un. Il y a 6 ans que tu souffres. Parce que tu n'étais pas encore établi. Maintenant, tu es établi. Pour toi-même et pour les autres. Tu es établi pour l'Église. Tu es établi pour la société. Tu es établi pour ta génération. Il y avait des années qui sont passées. Maintenant, tu es établi. Dis à ton voisin, maintenant, tu es établi. Maintenant que nous sommes établis, frères et sœurs, ces choses qui se sont produites, ces choses qui ont gâché, ne vont plus marcher. Ça ne va plus marcher. C'est pourquoi Dieu nous a amenés en campagne dans ce tournant décisif. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Ne te minimise pas. Abraham avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. Toi, tu n'as que 25 ans, tu n'as que 40 ans. Abraham se leva pour partir. Il avait 75 ans. Toi, tu as encore toute l'énergie, toute l'énergie. Tu es fort. Tu es jeune. Et Pierre dit, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. Tu es fort même physiquement. Et Dieu te cherche. La Bible dit, Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Et parlant à Esaïe, dit, qui enverrai-je? Et qui ira? Et non pas qui jouira pour moi, mais qui ira? Qui va entrer dans la carrière qui lui est ouverte? À quoi ça sert que Dieu t'ait établi dans le poste où tu es? À quoi ça sert qu'il t'ait donné cette destinée de gloire? À quoi ça sert qu'il ait imaginé quelque chose de meilleur pour toi? Tu penses que Dieu était censé? Non, frère. C'est pour ton bien. Mais c'est pour le bien de quelqu'un autour de toi. Cours dans ta carrière et tu vas voir que les malheurs vont s'arrêter. Au verset 22, les 300 hommes sonnèrent encore la trompette. Et dans tous les camps de Madian, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Écoutez-moi, frères et sœurs. Lorsque tu rentres dans ton établissement, il va arriver même que tu ne vas pas trop transpirer. Regardez ça. Si Gédéon pensait que c'est difficile, comment on va vaincre ces Madianites? Ils nous ont massacrés pendant 6 ans. Cette fois-ci, avec 300 hommes. Gédéon, pourquoi tu recrutes beaucoup de gens? Parce que nous connaissons notre ennemi, il est virulent, les Madianites. Et Dieu lui dit, non, tu as besoin seulement de 300, vas-y. Et quand ils arrivent au front, Dieu leur donne du repos. Je pense que les Madianites se sont dit, entretions-nous pour ne pas fatiguer nos ennemis. Parce que c'est déjà réglé. Alléluia. Ils se mirent à s'entretuer eux-mêmes. Eux-mêmes. De sorte que Israël, Gédéon, doit juste venir récolter les butins. Il n'y a pas de boulot. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Gédéon? Nous sommes entrés dans la carrière qui nous était ouverte. N'est-il pas écrit, voici les miracles qui précéderont ceux qui auront cru? Miracles feront quoi? Qui accompagneront. C'est-à-dire, tu veux le miracle? Entre dans la carrière d'abord. Tu veux guérir les malades? Prie pour les malades d'abord. Ne te dis pas, oh, je n'ai jamais guéri un seul malade. Je n'ai jamais tué une mouche de démons. Chasse les démons. Oh, si Aweza Kataka Pepo Kamoya. Mais comment tu sauras que Aweza Kataka? Si Wanze. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas dans ta carrière et les miracles suivent. Bona sifiwe. Et cette semaine, nous voulons prier. Chacun dans le domaine où Dieu l'a placé. Nous voulons prier. Chacun dans le domaine de son établissement. Le temps me manquerait. Il est écrit dans Romains 8, 19. C'est pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire la manifestation active des fils et des filles établis. Même la création soupire après ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu pouvais dire à la création, « Création, calme-toi, je suis là. Je viens d'arriver. » Je viens d'arriver, je suis établi, me voici. Le temps me manquerait de parler de Jonathan, vous pouvez prendre les références. 1 Samuel 14, versets 1 à 15. Cet homme, ce jeune homme, proche ami de David, dit quelque chose de pertinent. Il entre dans le camp ennemi, lui-même, lui seul, avec son porteur d'armes. L'armée a tellement passé des jours sans succès, sans résultat. Et le fils de Saül dit, qu'est-ce que nous faisons ici? Moi, je vais attaquer seul. Et il attaque seul. Il comprit que Dieu l'a établi comme libérateur du peuple. Et il entre lui seul. Il dit à son ami, poussons dans les camps ennemis. Au verset 6, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Ça vous rappelle quelqu'un? David dit, quel est cet incirconcis qui jette un défi aux troupes du Dieu vivant? Vous voyez, ce qui se ressemble, ça semble. La question, c'est, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces hommes établis, ces gens qui sont passés à l'action, qu'est-ce qu'ils ont compris pour avoir cette énergie, pour avoir cette force, pour avoir ce courage de se lever et d'entrer dans leur carrière? Qu'est-ce qu'ils ont compris? La première chose que je mentionne, c'est celle-là. Ils ont compris que chacun de leurs ennemis, c'est un incirconcis. Et comme tu es un incirconcis, alors tu es déjà voué à l'échec face à mon Dieu, face au Dieu qui m'envoie contre toi, tu es foutu. Entrons dans le camp de ces incirconcis. Et il dit une parole historique. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme des grands nombres. Waouh! C'est ça que tu avais compris? Oui, oui, oui, c'est ça que j'ai compris. Dieu peut agir avec un individu, comme avec toute une armée. Jonathan, c'est ça qui te fait entrer dans tout un camp ennemi. Il dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Laisse-moi te dire qu'un individu, un homme avec Dieu, est la majorité. Tu es plus qu'une armée. Élisée crie, lorsque Élie monte au ciel, il crie, il dit, char d'Israël, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Le seul Élie était des chars d'Israël, était des cavaliers d'Israël. Et Élie pouvait lui seul affronter des armées. Jonathan dit, Dieu peut agir avec un individu comme avec un grand nombre. Et moi je te dis ce matin, Dieu veut agir d'abord avec toi. N'attends pas que les autres entrent. Toi, entre d'abord. Tu peux m'aider à aller lui dire? N'attends pas les autres. Toi, entre d'abord. Alléluia. Entre d'abord. Vous pourrez lire aussi les vaillants hommes de David dans 2 Samuel chapitre 23. Vous pouvez lire aussi sur Jésus dans Apocalypse chapitre 5 verset 5. Et tous les chapitres 5. Vous pouvez lire aussi les apôtres. Dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20, où il est écrit, et ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. Les apôtres aussi, ils sont rentrés dans leur carrière. Ils allaient partout et Dieu ne les a pas laissés. Ils confirmaient la parole. Pourquoi vous obéissez, apôtres? Pourquoi vous y allez? Nous avons compris un certain nombre de choses qui nous soutiennent dans la pénétration de notre carrière. Nous avons compris que quand Dieu nous envoie, il va avec nous. Il est écrit dans Matthieu 28, verset 20. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Certaines compréhensions dont l'homme établi a besoin. La première, on va continuer à partager sur cela demain comme le temps est fini. C'est la conscience de la présence de Dieu. La société, les ennemis savent que quand tu dois entrer dans ton établissement, tu dois avoir quelque chose qui va avec toi. C'est pourquoi dans le texte d'Actes chapitre 4, 7 à 10 que je vous ai donné, le Sanhédrin pose la question à Pierre et lui dit, par quel pouvoir, au verset 7, par quel pouvoir et au nom de qui vous faites ça? Et Pierre est obligé de le répondre. Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accompli à un malade, afin que nous disions comment il a été guéri, verset 10. Vous voyez verset 10? On peut le lire ensemble? Allons-y, verset 10. Verset 10. Le verset 10. Pierre dit, sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Or, quand Pierre parlait à ces paralytiques, il lui disait quoi? Je n'ai ni argent ni or. Chapitre 3, verset 5 à 7. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi tu ne dis pas ce que Jésus a, il te le donne? Vous avez observé? Ce que j'ai, je te le donne. Pierre comprend qu'il est participant de Christ. Quand Pierre entre dans son opération, il est conscient qu'il est revêtu de Christ. Il a l'impression que c'est lui-même Christ. Nous avons vu le dimanche passé que nous sommes participants de Christ. Participants de Christ. Et Pierre dit, au nom de Jésus à Nazareth, lève-toi et marche. Le soulevant, et l'homme devint guéri. Il entra dans le temple, sautant, chantant, dansant et louant Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fatigué? Louant Dieu, il entre dans le temple. La Bible dit que ce paralytique venait de faire beaucoup d'années à cet endroit-là. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne que le Messie m'a établi pour guérir les malades. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1 suivant, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais où est-ce que j'ai reçu? Vous avez ça dans votre cœur. Vous avez ce que vous avez reçu dans votre établissement. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Reçois ce que je te donne. Et le paralytique reçoit ce que Pierre lui donne. Tu aurais dû comprendre cela avant, Pierre. Je serais guéri depuis longtemps. Et ce matin, le Saint-Esprit parle à quelqu'un, lui dit, tu aurais dû comprendre plus tôt ce que tu comprends ce matin. Les choses qui t'ont arrivé, qui te sont arrivées, ne seraient plus arrivées. Les malheurs et les misères, les humiliations et les hontes qui te sont arrivées, ne seraient plus arrivées si tu avais compris à temps. Et aujourd'hui, si tu ne comprends pas, ces mêmes choses vont continuer à t'arriver demain, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais si tu comprends aujourd'hui et tu acceptes d'entrer, tu mets fin à cette misère. Lèvons-nous. On va continuer sur le manteau de l'homme établi demain. Nous venons le matin à 6h et nous prions. Ensuite, à 15h, nous venons, nous poursuivons avec le message et nous prions. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Tu as compris que tous tes ennemis sont des incirconcis. Tu as compris aussi que quand il y a Dieu, il est écrit dans Actes chapitre 10, verset 38, Jésus de Nazareth allait de lieu à lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et toi aujourd'hui, ce matin, tu vas entrer, tu vas commencer à aller de lieu à lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'embout d'Ilia, car Dieu est avec toi. Et tes ennemis sont des incirconcis. Ça va donc marcher. Ne crains pas les risques. Vas-y. Lève nos mains, commençons à prier. Quelqu'un entre dans l'action. Quelqu'un entre dans l'action. Quelqu'un entre dans l'action. Dites Seigneur Jésus. Prie avec moi. Dites Seigneur mon Dieu. J'ai compris ta parole ce matin. Je veux rentrer dans mon établissement. Je veux entrer dans la carrière qui m'est ouverte à partir de maintenant. Je vais mettre fin à l'orgueil du diable. À partir d'aujourd'hui, je vais mettre fin aux manœuvres de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, je deviens un instrument des dispensations, des mystères de Dieu. Je deviens un donateur. Ouvre mon esprit, que je comprenne tes voies et que j'entre dans tes voies, que je vive tes voies et que je produise les œuvres de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Fais-moi grâce, ô Dieu. Fais-moi grâce. Durant cette semaine, mets-moi pleinement dans ma carrière. Au nom de Jésus. Amen.